frère de mes collègues, Rémi et François, je présente aujourd'hui un travail qui est en cours, qui a commencé en 2010 dans le cadre d'un postdoc à l'Université d'Harvard, et puis que je continuais ici à Paris, dans un cadre d'un postdoc d'un ANR qui est partagé entre Centre Chine, c'est-à-dire l'Université Centre Chine Japon, de la Corée, et RSEIS. Et aussi au contraire, je vais aujourd'hui aller un peu loin d'Europe. Donc je vous parle de Japon majoritairement, et avec quelques références de Chine. Et puis, je parlais un peu plus sur l'idée de nature qui ne résiste pas forcément aux techniques, mais qui, par contre, pose des autres problèmes environnementaux. Sauf que... Je ne vais pas vous montrer de quoi je vais parler aujourd'hui. Faire apparaître l'écran. Il faut faire marque, je ne sais pas. C'est la télémoniteur. C'est détecter les moniteurs. Ah, peut-être. Non, mais non, je ne veux pas. Je ne veux pas brancher de toute façon. Il n'y a pas une autre configuration. Oui, je comprends pas. J'ai fini de brancher ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aperçu d'un article qui est bien en anglais, donc forcément je vais donner cette présentation en anglais et dans la discussion on peut passer en français si vous avez envie de m'écouter avec toutes mes fautes et mon français approximatif. Mais je vais commencer de toute façon, sans ou avec le PowerPoint. So I'm going to be talking about Japan. I'm going to be talking about coal, not nuclear. But I think it's very important to talk about coal precisely at the time when everyone's talking about nuclear and Fukushima, because with the nuclear crisis, it turned out that the nuclear crisis was a sort of very good news in a very macabre way for a number of Japanese coal mining communities, especially in Hokkaido, where with the closure of nuclear plants, there was an opening of a discourse of clean coal and Japanese particular expertise in clean coal, which we can talk about later, as well as opening of coal fields for electricity production. So, for example, in Hokkaido, the two nuclear reactors that supplied about 40% of the electricity for the northern islands of Japan have been idling for a while, which meant that Hokkaido Electric Company decided to activate two of the major coal mining sites that were idling for quite a long time. And despite all the talk of clean coal, which Japan has... Japan has a very strong clean coal lobby that works on international scene quite willingly and quite actively. I think it's important to talk about coal in historical Japanese context precisely because taking the coal out of the ground is never a clean business. It was always very dirty. And because it also reminds us of a very very sketchy and very bloody record, both environmental and labor, that coal has had in Japan. Today in particular, I wanted to talk to you about the intersection of a particular coal transformation technology, namely coking, and its environmental consequences. Due to a very interesting summer of research in Japan and China, I will be talking mostly about the technology, less about the environment, and more about a little bit about the methodological questions that are that this research is now facing in its environmental branch. So, what is exactly coking? I had a wonderful picture of coke to show you how it looks, but it is actually produced. Coke is produced, and I always have to say that I'm talking about the boring kind of coke, so not Coca-Cola and not the recreational drugs, but the kind of coke that is made by the kind of coke that's made by partial combustion of coal, which means partial baking of coal. It is important because without it, it's important for a number of reasons, but in the Japanese context and in other contexts as well, it is important in 19th and 20th century because without it, without coke, you cannot have steel industry. This is not to say that you cannot have steel, Japanese of course, and many of my colleagues who know something about Japanese martial arts will tell you, but Japanese were producing very good quality steel blades very, very long time ago, as did the Chinese, actually before the Japanese. But the point is that if we want to think about steel on an industrial level, if we talk about railway, if we talk about arms, if we talk about navy, at that point you can really not use, you cannot really produce steel with anything other than coal. It is, of course, also a point, an important point that I would like to make here, is that when we say coal, most of us have an image of a hard black lump and an impression that the coal is one thing. And I think that it's very important, and Andrew Zimmerman, talking about cotton, actually has made this point very clearly. It's like cotton, coal is not one thing. It really depends. What you can do with it really depends on what kind of coal you have. In the second half of the 19th century, what you could or couldn't do with coal really depended on what kind of on the level of the volatile content. And by volatile content, I mean the impurities in coal. Most important of these impurities were ash and sulfur. So the more ash and the more sulfur you have, the less carbon you have and the less you can do with it in terms of coke. So the kind of coal that in 19th century was considered good the kind of coal that was considered good for coking, the kind of coal that you could coke, was available in pits of Europe and North America, but the vagaries of geology made it so that Japan and northern China did not have that kind of coal. It was Japanese coal, and most of the coal in northern China is bituminous, which means it's highly impure, and its impurities are highly volatile. And this, in turn, meant that the Japanese industry, in order to be set up and in order to work, had to rely on imports of either good quality coal from, say, the United Kingdom, or import of coke itself. Now, this was impractical for two reasons. One, because it was not cheap, and two, because it meant that one of the key industries, steel industry, key industry in modern period, was not self-reliant. Now, this may not mean much to Europeans, But when we talk about Japan in the 19th century, that means that ideologically it was a very heavy, heavy thing to swallow for both policymakers, a military man and scientists. So the dominant narrative was that in order to have steel, you had to have coke. In order to have coke, you have to have coal of a certain quality, which you in Japan do not have. Therefore, you, among other things, have to sign an alliance, which is what Japan did in 1902, signed an alliance. One of the major provisions of that alliance with the United Kingdom was the supply of British coal to the Japanese in case of war, and even before that. Which is why Japan was not too worried about going to war with Russia in 1904, because there was a very steady, the depots were very full of good Cardiff coal, and there was no fear that the Russians could actually interrupt the supply. But there were a few scientists in Japan, chemical engineers, who didn't really buy the dominant European discourse. Everywhere when they went to a study trip in Europe or in Belgium or in France for that matter, their colleagues, their counterparts were telling them, you really can't do anything with the kind of coal you have. And some of them did not buy it. But those who didn't were those who had very little to lose. Those who worked on the margins of the Japanese scientific circles, and this is also something that might not necessarily sound very important, those of you who work on Europe, but in the context of Japanese history of science and technology, all the major technological innovations come from state-supported institutions, which is a handful of universities, and from the military research and development facilities. Now, the story I'm telling you is of innovation that comes from a very, very left field. So neither from the military R&D nor from the state-sponsored university. It comes from a minor player who happened to be a very pious Protestant chemical engineer who simply did not necessarily take the you can't do this or the nature will not have this done, and started experimenting with solving this problem. Starting experimenting with Japanese coal and trying to make coke. Now, no one can prevent you really from taking Japanese coal, putting it in an oven, trying to bake it, and say, okay, well, I've gotten coal. I've gotten good quality coke out of it, except that once you take it out of the oven, it's very spongy and you can really not use it for anything. But he started experimenting. And by 1902, he actually resolved the problem. So in under 4 years, he resolved the problem. And he declared that with the Japanese coal, he's able to get the good quality coke that's the same quality as the imported one. So in a sense, the story was over. And the technology story behind this is the crux of my project, where I got interested in the environmental aspect of this story is when I started thinking about how he solved it. So that's always the most interesting part. Okay, so if someone tells you something is impossible, you say, okay, you close yourself into your little research lab and your experimental ground, and 3 years later you're able to do what everyone's telling you it's impossible. So how did he actually do this? Well, it was, unfortunately, you can't see me, it's pretty interesting figure. But let me tell you a bit more about the technology first. So the technology of coke ovens was first developed, of course, in coal fields of Germany and Belgium, and it was quickly traveled to England. Within several years, the coking plants started also mushrooming in North America, especially in the, around anthracite fields of Pennsylvania and Appalachian coal basin. Now, the first coke ovens that were widely used, and this is important for the story, are the beehive types. Now, they're often organized in rows, which are called batteries, and there are about a dozen of them. Now, what's interesting about them is that they have no way of recuperating, what they call recuperating the byproducts, which means that all the volatile matter that is burned out of coal goes into air. The second type, and the type that is important for this story, is the type with recovery of byproducts, which are significant. Now, at the same time, I should note that the byproduct is equal pollutant, because the byproduct, whatever you cannot recuperate, can turn into a pollutant. And among the lovely ones we have on the list are gas, which is used for elimination or cooking, coal tar, which Japanese started using in wood conservation, asphalt or fuel for diesel engines, ammonia, which is very handy for fertilizer, benzene, which was a degreaser and later was used in cosmetics, but for a while was a predecessor of decaf, because it was a major ingredient in what was called Sanka, coffee supplement. And cyanides that are used for dyes. So all these lovely elements, if they're not recuperated, end up being pollutants. So in essence, the byproduct, the striving to recuperate byproduct, was in a sense an environmental action, in so much as by recuperating you pollute less. But of course the drive was not environmental, the drive was commercial, because all of these were very very happily sold to different actors. Now, despite numerous variations in design, there are two main types of byproduct coke ovens, one in which ducts are placed horizontally and the other one in which they are placed vertically. Now, Samet Soloway ovens, which is the kind of Belgium ovens Shimura Kotaro, the engineer I work on, has used mostly, is the representative of the former type. And the typical coke oven chambers, which the description makes much more sense if you actually see see how it looks, but it's actually something that's 10 meters long and about 2 meters high and about a meter wide. Each of those long chambers have a wall that's made of three stacked up rows of hollow bricks placed at the end as if from a pipe. It's called a flue, and the wall consists of three of those pipes, and the methodology consists mainly of pushing air through those, air and a mixture of gas, and at the other end, there's a passage that communicates to the pipe below. Similarly, at the other end of the second pipe, there is a passage that communicates to the third one, and another outlet that evacuates the hot gas, in part to be used in boilers to produce steam. Now, the coal was brought into these on very small rail cars, which could move over the battery, so they were loaded from above. And through a kind of a funnel. And once they were loaded, the ovens were closed, and the process actually lasted 24 hours and required constant supervision of temperature, which was between 500 and 600 Celsius. And the exact time, of course, depended on the dimensions of the oven, the quality of the coal, and the amount of volatile matter in the coal that's being processed. Through partial combustion, these volatile compounds were slowly evaporated off the coal, collected and processed to recover commercially valuable byproducts, or, which is also a whole different ballgame, to find a commercial use for the byproducts that are recovered. Now, the person, Shimura Kotaro, who actually figured out a way to do this, was previously a chemistry teacher. He got a PhD from Johns Hopkins under Ira Ramsen, which means that he was he thought that he's going to be doing pure research the entire life. He came back to Japan trying to set up a school of science, which a department within a private university in Japan, and that worked for about 5 years. And then he was fired for a whole host of very interesting reasons, some of which have to do with his criticism of how the university was using money that was supposed to be allocated to the scientific budget of the school. He found himself without options, in the sense that he could not continue his career as a teacher, which liberated him for our story to do something that that was pretty desperate. He found someone who was willing, an Osaka merchant who was willing to sponsor his trip to Belgium. Now, why on earth to Belgium? Well, in part because Belgium just hosted an international exhibition, in the what we call the catalogue of the Enlightened civilizations, in the way the Japanese understood it at the time, Belgium was very high up. After 2 years of a study trip to Belgium, in which the Sammet Solomon Company was quite convinced that what they're going to do is train an engineer to sell their ovens in Japan, and that ovens are going to be using Cardiff coal, Schumer came back, still willing to sell the ovens to whoever wanted to use them. And there were quite a few, including the Japanese Army Steel Company, who were willing to use that. The only caveat was that he still was still really keen on doing it his way, and trying to figure out how to make coke from Japanese coal. That was all nice, except that his Belgian colleagues still did not really really want to hear much about it. Because it really, on the face of it, it didn't make much sense. So, for example, on October 16, 1899, Shior, who was at the time a director of Osaka Chemical Works, wrote two letters to the gentleman of Hardy Pick Company in Sheffield. In one of them, he wrote, and he first praised, something called Elliot Patent Washer and Devil Disintegrators. Now, Elliot Washers were the coal washing plant, coal washing installation, and Devil Disintegrators were coal grinding machines, both of which, he says, his company purchased, and they were doing splendid work. Now, needless to say, I don't need to tell you that this was probably a letter that was used for commercial purposes by the gentleman from Sheffield, but on the same day he actually wrote another letter in which he suggested improvements to the plant, to both of them, to both the washing and the grinding plant. And it was not a mere suggestion. He was describing the improvements to the equipment that he already made in Osaka to extend the life of the grinder and the washing plant. This is an indication of how he went about doing what he had to do, and where the environment comes in is when you realize what kind of fights he picked up with both Sheffield and Belgium. One of the most famous ones, which is what got me thinking about the environmental aspects of this, is where he insisted that the grinding plant for coal be installed before the washing plant. So the gentleman in Belgium with the equipment would send a blueprint for how this equipment should be installed, to which he responds saying that it's very nice that you send us this blueprint, but I was really insisting on the grinders being installed before the washing. The Belgians are really confused by this, because they're saying, but you understand what's going to happen. You cannot first grind and then wash. You wash rocks, you don't wash sand. And he insisted, and he said, yes, I understand what you're saying, but I really would like to do this way, because by grinding first and washing later, I'm able to disturb the coal, the structure of the coal physically, and get rid of a lot of impurities by washing them away. Now, that means the coal gets washed twice. That also means that if we look, which we can't do now, the blueprints for the plant, we see that most of that water ends up directly in Yodogawa River of Osaka. Now, on the one hand, we have a wonderful technological solution to a problem. And you can imagine what this means, and Japanese Army was very quick on understanding what this means. And 1905 has asked Shimura to set up an entire Sumatzolovich coking plant in what is today the Nippon Steel. And you all of a sudden have a possibility to make steel entirely with the resources you have on your islands, without having to be nice to the British, or without having to be nice to anyone else for that matter. Now this is extremely important, and it is just a way to manipulate, it is just simply a way to manipulate coal that enables you to do that. So that's wonderful. But on the other hand, you double the environmental damage, at least, of what you do. Now, coal ovens, we know today, and it's mainly the same principle. I mean, the ovens have not advanced too much since they were first patented. Our major source of fugitive air emissions and soil pollutants, and among the most aggressive ones are volatile organic compounds, polynuclear atomic carbocarbons, methane, carbon monoxide, hydrogen sulfide, hydrogen cyanide, sulfur oxide. I mean, the list goes on. Now, historical data on pollution, and this is where we get to have a problem, are very difficult to come by. Now, my strategy to get... my question was, the crux of the project is technological. The crux was to figure out how this came about, to question the transfer, because, for example, the crux of the problem of the paper, of the project, was to figure out what was the transfer versus local innovation. So he did it with Belgium ovens, but he had to modify it, modify the process, and modify a whole bunch of other things. Now, that's fine and well, we've figured that out. But now this whole new, once we figured out how he did it, then I realized that we must have a major problem with water pollution in Osaka. And this is where I thought that this summer I was going to figure out how to what extent the water was polluted and how the problem was solved. And it turned out that since Osaka Gas, the company that has sponsored this, is still in action, and Japan does not have archives, and we can talk about this, most of the private companies don't have archives. They have company history offices, to which no one who doesn't work in the company cannot, simply has no access to it, which means I cannot get whatever is in the Osaka Gas of their own data on the pollution. However, since I have access to all the private papers of the engineer who did it, I have clear indication that there were measures, that they knew exactly what was going on, that they knew exactly what they're doing to the water, and they were trying to manage the damage. But these were only vague indications on which you cannot necessarily build a larger argument. So I had a brilliant idea of going to China. Why to China? Because the same technology that Japanese developed in Japan has traveled to China, more precisely to Anshan, which is one of the, China's largest steel producer to this day, and find engineers. Of course, their archives was also a possibility, and I thought they would be very happy to explain to me how Japanese have polluted China in the colonial period, and I thought that I would not necessarily have a problem in getting that data. However, not being a Chinese, I was not allowed to see the entirety of the archive. I was just able to see a couple of papers, mostly on labor disputes, so that was out of the question. But I did manage to talk to engineers who confirmed that these ovens were used until 1958 in Anshan, that this technology was used until 1958, and in 1958, things changed a little bit, and China got hold of its southern coal, which is much better. They no longer needed Japanese technology for turning bad coal into good coke. But this is where I went back to Japan and said, okay, I cannot get data, but maybe I can get the sentiment from the press, from literature, from somewhere, where, some kind of a, from the fishermen, from the doctors that were all from the Osaka doctors who kept their diaries religiously. And unfortunately, I managed to find very little in way of any substantial proof of Yodogawa River being polluted, in particular by this cooking technology. So I have a very interesting situation. I have a technology and that I know it was used, that I know was extremely polluting, but I cannot find trace of anyone complaining about it. So I'm not an environmental historian, I'm a historian of Japanese historian, historian of technology, but I hope that some of you sitting here will disregard this miserable failure to find the substantial data on pollution and tell me how you resolve the situation with the mind, having in mind the restrictions of archival access that that I have today. Thank you very much. Merci, Alexandra. Do you want us to hold the discussion in English or in French? Alors, on va faire la discussion en français. Si vous avez des problèmes, on traduira les questions en anglais, peut-être. Alors, question pour Alexandra. Oui. Quels sont les types de pollution que vous attendiez dans cette rivière d'Osaka? C'est justement tous les éléments que j'ai listés. Par exemple, sulfure oxyde. On sait par exemple chaque tonne de copre produit suscite 3 kg de sulfure oxyde. Par exemple, oxyde de soufre. Oxyde de soufre. Oui, ça c'est le, l'air. Et 2 mètres cubes de wastewater qui contient entre autres choses les cyanides qui on sait sont un effet très très fort sur le système nerveux et tout ce qui est. Donc on sait pas quel, peut-être on peut savoir ce qui est le rapport entre dans chaque mètre cube de l'eau de cyanide, mais je me suis attendue que vu la quantité de coke qui était produite là, vu l'importance de cette rivière qui est importante pas forcément pour l'eau potable, mais aussi pour l'industrie du textile qui est énormément importante au Japon parce que c'est la seule industrie exportatrice à cette époque. Donc je me suis dit, on doit avoir un genre de changement, on doit avoir quelqu'un qui a remarqué quelque chose. Donc maintenant, évidemment, je n'ai pas fouillé, comme Rémi, je n'ai pas fouillé les archives pour 3 ans, je l'ai fait juste pour 3 mois. Mais à l'évidence, j'ai trouvé pratiquement rien. Et c'est le seul industrie lourde, disons, dans cette partie de rivière. Donc, c'est assez important dans ce sens que s'il y a pollution, on sait d'où ça vient. Donc, peut-être j'ai pas le problème et peut-être je peux fermer très vite le chapitre environnement dans le cadre du projet de coquefaction, peut-être. Mais en même temps, et même si c'était assez tard, je me suis rendu compte que il doit y avoir un problème. Mais le problème, c'est la capacité technique de mesurer les cyanures. Ouais. Et en 1900, c'était rarissime. Ouais. Ça l'est dans les paramètres de qualité des eaux courantes qu'en 1970 en France, en 71. Et après, ça a même été abandonné. Donc ça a duré très peu de temps. Oui, je comptais pas. Hier, on a parlé de développement de l'eau et de ressentiment qu'il y a quelque chose qui est changé, qu'il y a des peuplements, par exemple. Moi, je me suis attendue que je trouve un ressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on sait, par exemple, à Kyoto, qui est aussi un centre de textile, que dès que le contenu de l'eau change un trop petit peu, le producteur de textile commence à s'inquiéter parce qu'ils sont en train de laver le soin dans les rivières. Et ça change pas mal. Mais... Ah, c'est plutôt les poussières générées sans doute. C'est parce que les cyanures, c'est très soluble. Mmh. Ça ne doit pas avoir un impact. Ce n'est pas de la matière organique. Je ne vois pas l'impact sur les textiles. Mais par contre, s'il y a des fines poussières, alors là, l'impact, il est direct. D'une façon générale, après les découvertes de la microbiologie, on s'est beaucoup intéressé à cet aspect des pollutions et on a pas mal, à ma connaissance, négligé les pollutions chimiques pendant un certain temps. Entièrement focalisé sur les pollutions microbiennes bactériologiques. Et... Quelqu'un avait demandé la parole, je dis oui. Vous avez parlé d'ammoniac. Est-ce que c'est uniquement, enfin, est-ce qu'il se dégageait uniquement dans l'atmosphère ou est-ce qu'il peut aussi être emporté par le lavage du plutôt? Parce que du coup, c'est quand même quelque chose de très toxique pour les poissons. C'est un des produits de récupérable, un des sous-produits qui était récupéré. On sait que, bien sûr, ce n'était pas récupéré 100% et c'était un peu dans le sol. Autant qu'on sait. Mais en même temps, il faut encore remarquer que toutes les sources que j'ai les sources d'ingénieurs, de techniciens et des directeurs d'usines. Donc, je n'ai pas par exemple, les contrôles d'État, l'inspection, j'ai rien de ça. Parce que, en fait, c'était l'industrie qui était très importante pour l'armée. Personne ne va venir poser des questions. Parce qu'on a besoin de ça. Pour l'armée, on est constamment en guerre. Personne ne va venir embêter l'usine de coke qui produit pour l'arsenal d'Osaka, pour l'arsenal de Kyushu. Parce qu'ils sont en train de polluer, parce qu'il s'agit aussi d'utilisation de l'eau. D'où vient tout ces eaux? Donc c'est aussi ça, c'est pas seulement le fait qu'il y a de l'eau polluée qui sort, il y a aussi un énorme travail d'amener tout un état de l'eau, parce que vous êtes en train de laver la poussière de charbon. Donc c'est énorme, ça prend du temps, ça prend de manœuvre, et aussi ça prend beaucoup de l'eau. Et c'est pas seulement polluer, mais oui. Vous avez raison, c'est très difficile. Moi, tout ce que je dis avec les limites des sources que j'ai sur les mains. Jean-Baptiste Pressot. Moi, c'était une question, en fait, en gros, ça répond peut-être, pour essayer de répondre à où est-ce qu'on peut trouver des sources. Est-ce que, je ne sais pas comment vous pensez, les communes, la mairie, elles organisent, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'en gros l'hygiène publique au Japon, à cette époque-là, comment ça s'institutionnalise? Qui sont les experts qui s'occupent d'approvisionner l'eau pour la consommation? Et quand il y a des plaintes, est-ce qu'il y a des tribunaux? Parce qu'en fait, en France, c'est en gros les achats administratifs et puis les tribunaux civils qui permettent de renseigner un peu ces conflits. Est-ce que est-ce qu'il y a des cours qui permettent de trancher les conflits entre individus sur cette question de la pollution de l'eau? Je vais répéter ta question parce que je pense que personne n'aura entendu, ou alors tu la répètes plus fort. Est-ce qu'il y a des cours qui permettaient... Vas-y. Comment s'organise la gestion de la salubrité au Japon à cette époque dans les villes? Quelles sont les institutions qui s'en occupent? Et puis, est-ce que quand il y a des conflits entre individus, il y a des cours qui tranchent les conflits? Et là, peut-être les sources. Oui, ça change énormément, mais il y a des éléments qui sont les mêmes. Ça veut dire que les agents sur place, sont parfois, il y a un peu de continuité, disons, entre la période avant Meiji et le Meiji même. Donc on a des données là-dessus, sauf que la seule chose qui les intéresse, c'est l'eau potable. La qualité de l'eau potable, qui ne vient pas de Yodogawa, donc qui vient d'ailleurs. Et tout à coup, il y a une grande inquiétude sur la qualité de l'eau qu'on boit. mais pas de pas d'inquiétude sur le pollution de rivière, par exemple. Donc on a pas mal de bruit sur l'eau, mais pas genre de l'eau qui m'intéresse et qui peut m'être utile. Donc on a tout le par exemple l'étudiant d'école médicale sont obligés de faire un des trois papiers qui doivent soumettre pour avoir son diplôme, et un sur la qualité de l'eau. Et moi, je dis, il doit y avoir quelque chose là-dessus, mais c'est tout l'eau potable et c'est rien de l'eau de Gaba. Donc, j'ai l'impression que si j'étais. J'aurais d'éviter le sujet qui m'intéresse, presque. Donc, il y a pas mal de données, donc je peux écrire là-dessus l'histoire de mise en place, les institutions qui contrôlent la qualité de l'eau potable au Japon. On a des données et des données, mais pas sur la pollution industrielle de rivière. Mais vous n'avez rien qui ressemble à une plainte. Une plainte de... Non, c'est ça. Moi, peut-être que ça existe ailleurs. Moi, j'ai regardé tous les journaux pour une période de 15 ans, tous les journaux locaux. Mm-hmm. Rien du tout. Même dans la littérature, après, j'ai consulté les collections spécialistes de littérature de Osaka. Rien du tout. Si je vous ai bien compris, vous avez. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans ce que vous avez dit. Vous avez expliqué qu'à l'origine, on fabriquait bien du coke au même endroit, mais avec un charbon importé, parce que le charbon japonais ne convenait pas pour la fabrication du coke. Et donc le problème que vous étudiez, c'est le changement de technologie qui a permis de fabriquer du coke avec une houille locale, un charbon local. Ce qui me surprend dans cette histoire, c'est que la fabrication du coke, quelle que soit la technologie, c'est quelque chose de très polluant. Les questions, vous dites que ça a doublé la pollution. Mais ça a doublé la pollution de l'eau. Oui, de l'eau. Mais la pollution, elle existait déjà auparavant. Et vous avez jamais aucune source concernant la pollution des sols, par exemple? Non, parce que les coqueries, c'est une apocalypse, je ne sais pas. Mais on a eu pas mal de récits qui sont très purs dans le sens que on adore le développement de Osaka, qui est une ville ancienne, féodale, toute industrie locale, artisanale. Il faut disparaître ça, il faut faire quelque chose de bien et de vraie industrie. Donc au contraire, j'ai pas très de voix de caution, j'ai pas très de voix de gens qui disent oui, c'est un peu dangereux ça. Mm-hmm. Ça, parce qu'en même temps, c'est peut-être un peu aussi le japonais, dans ce sens que le Japon était vraiment à cette époque-là dans la modernisation, l'industrialisation, autosuffisance. Donc tout ce qui était industriel était très très très important, parce que comme ça, le Japon va survivre. Mm-hmm. Si on ne se modernise pas, on va finir comme la Chine, et ça ne se fait pas, donc on ne pose pas de questions. On ne pose pas des questions du tout. Donc si on a des voix qui critiquent sur les voix marginales, que j'arrive pas jusqu'à maintenant, d'identifier. Parce que je suis absolument sûre qu'il doit y en avoir, mais c'est, pour moi, c'est trouver les archives qui vont me permettre d'exploiter ça. Donc je ne dis pas qu'il n'existe pas, je suis sûre que ça va exister, parce que maintenant, justement, dans l'histoire du Japon, on rentre dans l'arrière-histoire de restauration Meiji, on commence à parler de tout cet état de comment on dit cartoons, caricature de populaire de modernisation japonaise. Donc là-dessus, peut-être on va entrer dans un discours qui est un peu contre ça, et peut-être là on va trouver quelque chose, mais pour le moment, ouais. Bon, alors, plusieurs questions. On va peut-être les grouper un peu. Une ici. C'est rapidement, c'est sur les brevets. Est-ce que dans les brevets, vous n'avez pas, dans les brevets déposés par les Japonais, est-ce qu'il n'y a pas les améliorations de la technique, de cette technique-là? Et est-ce qu'on pourrait rejoindre ce problème, effectivement, de don? Est-ce que, pour le brevet, c'est difficile dans ce sens qu'on a des brevets, mais on n'a pas de dessin technique. Donc on a des descriptions et là en le lisant j'ai pas trouvé il ne se concerne pas de diminuer la pollution, il ne se concerne pas d'augmenter le taux de récupération de ce produit. Alors le monsieur ici, puis on prendra les questions de François Jarige et vous voulez intervenir aussi monsieur, ouais. Simonetti et puis celle-ci, puis après le problème de la pollution de la rivière, tout dépend de la situation de l'usine par rapport à la ville et par rapport aux prises d'eau de la ville. Donc là, il faut que vous regardiez très exactement. Si l'usine est en amont de la ville et de la prise d'eau, alors là, ils vont se préoccuper, ils vont faire des analyses. Si c'est en aval, il n'y aura aucune analyse, il n'y aura rien du tout. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est regarder les sédiments dans le delta de la rivière Osaka, de faire des carottes dans les sédiments, et d'essayer de trouver quelque chose. Et c'est très compliqué parce qu'on aura toutes les autres pollutions, pas seulement le visite de coke, etc. Oui, c'est intéressant. On va, François ? Moi, j'ai une question très générale. Ce qui est étonnant, c'est que la modernisation de l'ère Meiji, j'y connais rien, mais est-ce que l'historiographie japonaise, l'historiographie nord-américaine, qui a quand même beaucoup travaillé sur le Japon, il n'y a pas une histoire environnementale du Japon au 19e, 20e siècle? Parce qu'il y a des bouquins qui ont été écrits par les Américains sur les pollutions, sur la construction après 45. Moi, je connais tout sur après 45, mais ça me paraît totalement incroyable qu'il n'y ait pas une histoire environnementale de l'ère Meiji faite par des Nord-Américains ou des Japonais, quelque part, qui... Bon, c'est une question de naïf, quoi, en fait. Mais comme c'est quand même un champ qui s'apparaît sur la liste, c'est très, très sérieux. Mais le Japon est central pour les Américains, en plus, depuis les années 60, 70. Oui, moi, je suis sûre que c'était quoi le Japon de la vie, mais le problème, c'est ce qu'on a commencé à se demander avant de là. On a commencé un groupe de travail sur l'histoire d'énergie au Japon. C'est qu'après 50 ans de discussion sur le Meiji et sur la restauration, on s'est rendu compte, quelques-uns d'entre eux, on s'est rendu compte qu'on a réussi à écrire une histoire de modernisation, d'industrialisation, sans jamais parler d'environnement et d'énergie. Mais ça, en France, ça existait aussi, c'était la même situation. Donc, on parle au Japon, dans le cadre de l'histoire environnementale, on parle exactement de trois choses. Minamata, Itaitai, et maintenant, on parle de Fukushima. Si on a un peu de la chance, on parle aussi sur le asthme de Yokoichi. Et c'est un peu tôt. Aussi, en grande partie, par la limitation des sources. Donc, on parle de grands cas de pollution industrielle. En grande partie, parce que le circuit est en cours. Donc, on a des données là-dessus. On a quelques-uns, peut-être 3-4 collègues qui sont en train vraiment de travailler là-dessus. Mais on a des vrais mythes. Rémi Simonetti. Oui, brièvement, à propos de cette absence de données sur la pollution industrielle des rivières, monsieur a déjà en partie répondu, mais je me pose la question. Peut-être s'agit-il d'une imposition qui vient du haut. On n'en parle pas, on ne doit pas en parler. Même les journaux, vous le disiez, non, vous n'avez rien trouvé. Je ne sais pas, je pense qu'il s'agissait d'un régime. Mais comme quelqu'un qui était élevé dans un pays fortement socialiste, je sais même si bien les impositions, il y a des discours qui doivent sortir par-ci, par-là, et c'est pour ça que j'ai regardé la quatrième page, 4/4, de journal local, où dans les lettres, sur quelque chose d'autre, j'espérais trouver une petite référence sur les choses qui sont changées. Mais je ne crois pas qu'il s'agit d'imposition. Je crois qu'il s'agit d'un moment dans l'histoire du Japon où tous les acteurs qui sont en train de produire les sources qui nous restent Donc, était vraiment amoureux de l'idée qu'on va avoir une industrie sidéralurgique en plus autosuffisance après 1905, et qu'il fallait, il n'était pas question d'introduire, d'interdire aux gens de parler de ça. C'était seulement quelque chose qui est peut-être pas très important vu les grandes choses qui sont en train de se passer. Peut-être. C'est bon, en fait, ça t'a répondu déjà. Bien, d'accord. Jean-Baptiste. D'accord. Daniel, et puis on va. Oui, c'est plus une remarque qu'une question, mais j'ai constaté dans l'usine nouvelle dans les années 1970, donc c'est évidemment postérieur à la période dont vous avez parlé, d'assez nombreuses références à des exportations de technologies protectrices de l'environnement, d'une part par les États-Unis et d'autre part par le Japon. Et c'est une référence assez permanente que... Il y a cette, que les Japonais sont prêts à envoyer ces technologies, et sans doute avec l'idée qu'ils les ont préparées chez eux à partir de pressions qu'ils ont ressenties chez eux. Alors, je n'ai pas du tout travaillé sur ces questions, mais je voulais faire part de cette remarque. Oui, mais il faut dire que le Clean Coal Technology, que les Japonais sont en train d'exporter, ainsi que le the Safety Measures for Mines, c'est assez intéressant de voir parce que les deux plus grands accidents minières dans le monde sont se passés, un en Chine dans une mine opérée par les Japonais pendant la contrôle japonaise, et l'autre dans les mines au Japon niveau global. Donc, et c'est le premier était en 1945. Donc si en 1960 ou 1970, vous tournez vers l'Occident et vous dites « Non, on a les techniques pour sauver les gens, pour améliorer sécurité dans les mines », là, pour moi, c'est une question de marketing, très fort. La même chose pour le clean coal. Donc, et ça a commencé au Japon, le Clean Coal Institute au Japon. Maintenant, c'est le même établissement que, et c'était en direction d'une ancienne ville. Donc, il s'agit de faire vivre l'ancienne communauté par moyens différents. Les ingénieurs par l'exportation de leur expertise, les communautés minières par la subvention, par la création de Disneyland dans les communautés minières. Donc c'est une histoire très intéressante, et peut-être parce que vous n'êtes pas le seul, parce que la plupart de historiens de technique en Europe ont posé la même question. Ils m'ont dit, mais comment ça s'est fait, parce que, et regardez les Japonais, ils sont en train de sauver les techniques, même s'ils ne les utilisent plus, et ils ont très bien pour le sauvetage de ces techniques. Et moi je veux dire, mais quelle technique? Et moi je peux dire anecdotalement maintenant, mais si, il faut se faire remettre sur ça sérieusement, mais pour moi c'est un joli travail de marketing.